L'actualité à Nancy et ailleurs. La 24e édition du Festival international du film de Nancy s'est lancée ce week-end et va se dérouler jusqu'au 2 septembre sur le site de la manufacture notamment. Pilar, bonjour. Bonjour Yves. Nous vous retrouvons comme chaque jour pour nous présenter le programme de cette 24e édition du festival. Que va-t-il se passer donc aujourd'hui, lundi 27 août ? Tout commence dès maintenant. Nous avons depuis ce matin l'atelier Stop Motion. Donc c'est un atelier co-organisé avec différents acteurs de la cinématographie dans la région, mais aussi internationaux. Ça se déroule lundi et mardi, sauf qu'il faut que tout le monde le sache, on n'a plus de place. Et oui. Donc il allait dérouler de cet atelier déjà complet, du matin jusqu'à 16h. Nous avons à 14h15 et toute la journée des sélections des courts-métrages, notamment des courts-métrages en compétition. Nous avons aujourd'hui la sélection numéro 2, 3 et 4. Nous démarrons les focus. On a déjà démarré avec des films en plein air, mais en termes de courts-métrages, les focus Pays des Balkans. Donc aujourd'hui, nous avons une projection des films courts de Bosnie et Kosovo. Donc c'est à 16h30 au Théâtre de la Manufacture, à savoir que quand on dit Théâtre de la Manufacture, c'est dans la salle de la fabrique. Donc il faut entrer et là, en personne, on va vous guider, sinon vous sortez. Encore une fois, mais derrière, si vous traversez le petit jardin, et là, c'est la salle de la fabrique. Nous avons aussi deux documentaires, dont un documentaire en présence du réalisateur, donc c'est Story de la Dormiveglia, et c'est Luca Maggi, le réalisateur, qui sera au conservatoire pour présenter son documentaire. Et nous avons aussi le focus Amérique latine, un petit panorama de l'Amérique latine, une projection des courts-métrages à 18h30, Théâtre de la Manufacture. Et en plein air, oui. Nous avons le film Martessa de Mary H. Donc, c'est à 21h15, sous les étoiles, à savoir toujours, nous avons deux plans, donc toujours le plein air, cour Franczynski, la cour de la médiathèque, mais s'il pleut, parce que oui. Nous sommes en Lorraine et tout est possible. Et puis ce matin, notamment aujourd'hui, oui. Notamment aujourd'hui, nous avons la salle de réplique, l'auditorium du conservatoire. Donc, nous pouvons toujours passer par là. Mais plan toujours A, c'est plein air. Voilà. Et après, nous allons publier dans nos réseaux sociaux, si jamais nous changeons de salle, c'est à 10 pas de plein air. Donc, toujours rendez-vous, cours de la manufacture. Avant les plein air, nous avons un concert. Ce soir, c'est du rock progressif. Avec les groupes Raison des Plus, groupe de la région aussi. Nous avons aussi une autre fiction dans la salle d'Imagest, la salle Sadoul, c'est House of Paper. C'est en partenariat avec les Goethe Institute. Ça, c'est pour aujourd'hui. Voilà, donc le concert, c'est à 19h30. Là, l'entrée est libre pour le concert de Raison de Plus. 3,50€ hein, pour assister aux différentes projections. On retrouve tout ça, oui, bien sûr, sur le site du festival, www.fifnl.com. Et bien sûr, on suit, comme vous le disiez, sur les réseaux sociaux, l'actualité, savoir si ce soir c'est en plein air ou si c'est plutôt à l'abri. Merci Pilar, on se retrouve demain pour la suite du programme. Merci Yves, à demain. L'actualité à Nancy et ailleurs.